Chapitre 45e. Autrefois et maintenant. Marguerite était prête longtemps avant l'heure convenue, et elle eut le plaisir de pleurer un peu tranquillement lorsqu'on ne la voyait pas, et de sourire gaiement lorsqu'on la regardait. Sa dernière inquiétude fut la crainte de manquer le train, mais non, ils arrivèrent bien à temps, et elle respirait enfin librement et avec bonheur. Assise en face de Mr. Bell, passant rapidement devant les stations bien connues, regardant les vieilles villes du midi et les villages endormis sous la chaude lumière d'un brillant soleil, qui rougissaient encore leurs toits de tuiles si différents des froides ardoises du nord. Des couvées de pigeons s'abattaient sur les vieux pignons, soulevant leurs plumes douces et luisantes, comme pour exposer chaque fibre à la délicieuse chaleur. Il y avait peu de monde aux stations. Il semblait que les habitants du pays fussent trop heureux et trop indolents pour éprouver le désir de voyager. On ne voyait rien là de l'activité et du mouvement que Marguerite avait remarqué dans ses deux voyages sur la ligne du Nord-Ouest. À une époque plus avancée de l'année, la foule des riches et des oisifs parcourait cette ligne à la poursuite du plaisir. Mais quant au va-et-vient perpétuel des commerçants actifs et affairés, elle différait toujours beaucoup des lignes du Nord. On voyait presque à chaque station un ou deux spectateurs, flânant les mains dans leurs poches et si occupés à contempler le train, que les voyageurs étaient tentés de se demander ce qu'ils pouvaient avoir à faire lorsque, le train une fois parti, il ne leur restait plus que les rails, quelques hangars et quelques champs à examiner. L'air doux et chaud se jouait sur les maisons dorées. Ils laissaient derrière eux ferme après ferme, et chacune d'elles faisait songer Marguerite aux villes allemandes, à Hermann et Dorothée, à Évangeline. Elle fut tirée de ce rêve par l'arrivée à la station d'où une voiture devait la conduire à Hailstone, et alors son cœur fut en proie à des sentiments vifs et poignants, qui tenaient à la fois de la douleur et du plaisir. Chaque mille était remplie de souvenirs qu'elle n'aurait pas voulu laisser échapper pour tout au monde, mais dont chacun la faisait pleurer sur les jours qui n'étaient plus. La dernière fois qu'elle avait passé sur cette route, c'était lorsqu'elle avait quitté Hailstone avec son père et sa mère. Le jour, la saison, était sombre et triste, et elle-même désolée, mais ils étaient avec elle. Maintenant elle était seule, orpheline, et eux l'avaient quittée et avaient disparu de la surface de la terre. Elle était comme blessée de voir la route de Hailstone inondée des rayons du soleil, et la campagne, ainsi que le feuillage des arbres, dans toute la gloire et la richesse de l'été, comme elle les avait vues autrefois, la nature ne s'attriste pas. Et elle est éternellement jeune. Mr. Bell devinait une partie de tout ce qui se passait dans l'esprit de Marguerite, et il gardait le silence. Ils s'arrêtèrent devant les armes de Lennard, établissement demi-ferme et demi-auberge, situé un peu en arrière de la route, comme pour indiquer que l'hôte ne dépend pas assez des voyageurs pour chercher de les attirer par quelque importunité. C'est à eux, au contraire, de venir le chercher. La maison donnait sur la place du village, et elle était ombragée par un orme séculaire, tout entouré de bancs et entre les branches duquel pendait le vieil écusson des Lennard. La porte de l'auberge était ouverte, toute grande, mais aucun empressement hospitalier n'accueillit les voyageurs. Lorsque l'hôtesse parut, et auparavant ils eussent eu le temps d'emporter la moitié des objets qui garnissaient la pièce, elle leur souhaita gracieusement la bienvenue, presque comme s'ils eussent été des invités, et s'excusa d'avoir été si longtemps à venir, en disant que c'était le temps de la fenaison, qu'il fallait envoyer le dîner aux ouvriers, et qu'elle avait été trop occupée de préparer les paniers pour entendre le bruit des roues sur le chemin. « Mais Dieu me bénisse » s'écria-t-elle tout à coup en apercevant la figure de Marguerite. « C'est Miss Hale. Jenny !» fit-elle en courant vers la porte pour appeler sa fille. « Viens, viens bien vite, c'est Miss Hale !» Puis elle se retourna vers Marguerite, dont elle serra la main avec une affection toute maternelle. « Et comment allez-vous tous? Comment vont le vicaire et Miss Dixon? Le vicaire, surtout, que Dieu le bénisse. Nous n'avons pas cessé de regretter son départ. » Marguerite s'efforça de parler pour apprendre à Mrs. Perkis la mort de son père. Il était évident qu'elle savait celle de sa mère, puisqu'elle n'avait pas parlé d'elle. Mais elle ne put que montrer sa robe de deuil et dire ce seul mot « Papa ».« Sûrement, ce n'est pas chose possible, » dit Mrs. Perkins en se tournant vers Mr. Bell comme pour lui demander la confirmation de la triste vérité qu'elle entrevoyait. « Il est venu ici au printemps, un monsieur qui nous a beaucoup parlé de Mr. Hale et de Miss Marguerite. Il nous a appris la mort de Mrs. Hale, la pauvre bonne dame, mais il n'a pas seulement dit que le vicaire fut malade. Il est mort subitement à Oxford, pendant une visite qu'il me faisait, dit Mr. Bell. C'était un digne homme, Mrs. Perkins. Et il y en a plus d'un parmi nous qui pourrait s'estimer heureux d'avoir une fin aussi tranquille que la sienne. Allons, Marguerite, chère enfant. » Son père était mon plus ancien ami, et elle est ma filleule. Nous avons donc voulu venir ensemble revoir Helstone, et il me souvient que vous avez à nous donner des chambres bien propres et un excellent dîner. Vous ne vous rappelez pas m'avoir vu, à ce qu'il paraît. Mais mon nom est Bell, et quelquefois, lorsque le presbytère était trop plein, j'ai couché ici et j'ai goûté à votre bonne ale. C'est vrai, c'est vrai. Je vous demande pardon, monsieur. Mais c'est que j'étais tout occupé de Miss Hale. Permettez-moi, Miss Marguerite, de vous conduire dans une chambre où vous pourrez ôter votre chapeau et vous laver la figure. Ce matin même, j'ai plongé des roses fraîchement cueillies dans le pot à eau. Car, me disais-je, il viendra peut-être quelqu'un, et il n'y a rien de si agréable que de l'eau de source parfumée avec une ou deux roses. Quand on pense que ce pauvre vicaire est mort, nous mourrons tous un jour, il est vrai. Mais ce monsieur nous avait dit qu'il commençait à prendre le dessus après le chagrin qu'il avait eu de la mort de Mrs. Hale. Descendez me trouver, Mrs. Perkins, après que vous aurez donné à Miss Hale ce qu'il lui faut. J'ai besoin de me consulter avec vous au sujet du dîner. La petite fenêtre de la chambre de Marguerite était à demi bouchée par les roses et les branches de vigne. Mais en les écartant et se penchant un peu au dehors, elle aperçut le haut des cheminées du presbytère et distingua à travers les ombres bien des lignes qui lui étaient familières. « Ah !» dit Mrs. Perkins en arrangeant le lit, après avoir envoyé Jenny chercher des serviettes parfumées de lavande. « Les temps sont bien changés, miss. Notre nouveau vicaire a 7 enfants et il bâtit une nurserie pour eux et pour ceux qui viendront, à l'endroit où étaient autrefois la tonnelle et la cabane aux outils. Il a fait mettre des grilles neuves et une nouvelle glace dans le salon. Lui et sa femme sont des gens remuants et actifs, ils ont fait beaucoup de bien. Du moins on le dit, et il faut le croire, sans quoi ce serait mettre tout sens dessus dessous pour peu de choses. Le nouveau vicaire est un teetotaler, miss, et un magistrat, et sa femme a une quantité de recettes pour faire la cuisine d'une manière économique et pour faire du pain sans blé. Et ils parlent tant tous deux à la fois, qu'ils vous étourdissent. Ce n'est que lorsqu'ils sont partis et qu'on est un peu tranquille qu'on songe à ce qu'on aurait pu dire pour défendre son opinion. Il va aller examiner les canettes des faneurs dans les champs, et il se fâchera parce que ce n'est pas de la bière de gingembre. Mais que voulez-vous? Ma mère et ma grand-mère, avant moi, envoyaient de la bière de drèche aux faneurs, et elles prenaient des sels et du séné lorsqu'elles étaient malades, et je continue à faire comme elles, bien que Mrs. Hepworth veuille me donner des confitures pour remplacer la médecine. C'est, comme elle le dit, beaucoup meilleur, mais je n'y ai pas de foi. Il faut que je m'en aille, miss. Quoique j'ai bien des choses à vous demander, je reviendrai tout à l'heure. Mr. Bell avait fait préparer pour Marguerite des fraises, de la crème et du pain bis, auquel il avait fait ajouter pour lui du fromage de Stilton et une bouteille de vin de Porto. Après ce goûter rustique, ils partirent pour la promenade, ne sachant de quel côté commencer. « Irons-nous d'abord du côté du presbytère ?» demanda Mr. Bell. « Non, pas encore. Allons de ce côté, faisons le tour, puis nous reviendrons par le chemin qui mène. » Ça et là, de vieux arbres avaient été abattus l'automne précédent. Une cabane de bûcherons avait disparu. Marguerite s'en apercevait à l'instant et les regrettait comme de vieux amis. Ils passèrent devant l'endroit où Mr. Lennox et elle l'avaient dessiné. Le vieux tronc sillonné par la foudre du vénérable être, sur les racines duquel il s'était assis, n'y était plus. Le vieillard habitant de la cabane en ruine était mort. La cabane avait été abattue et remplacée par une habitation propre et confortable. Il y avait un petit jardin sur l'emplacement qu'avait occupé le vieux être. « Je ne me croyais pas si vieille, » dit Marguerite, après avoir longtemps gardé le silence. Il se détourna en soupirant. « Oui, » dit Mr. Bell. « Ce sont les premiers changements parmi les choses familières qui font paraître le temps si mystérieux à la jeunesse. Plus tard, nous perdons le sentiment du mystérieux. Le changement me semble naturel et inévitable. L'instabilité des choses humaines m'est aussi familière qu'elle vous est nouvelle et affligeante. « Allons voir la petite Suzanne, » dit Marguerite, attirant son compagnon d'un autre côté. « De tout mon cœur, bien que je ne sache pas le moins du monde qui est la petite Suzanne, mais j'aime toutes les Suzannes en souvenir de simples Suzannes. Ma petite Suzanne a été désappointée lorsque je suis parti, parce que je ne lui ai pas dit adieu. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu un remords de lui avoir causé ce chagrin, que j'aurais pu lui éviter si j'avais été un peu plus active. Mais c'est un peu loin. Êtes-vous sûr que cela ne vous fatiguera pas trop ?»« Tout à fait sûr. C'est-à-dire si vous ne marchez pas si vite. Il n'y a pas par ici de rue qui puisse fournir une excuse pour s'arrêter et reprendre haleine. Vous trouveriez romantique de vous promener avec une personne si grasse et de courte haleine, si j'étais Hamlet, prince de Danemark. Ayez pitié de mon infirmité, pour l'amour de lui. » « Je vais marcher plus lentement, pour l'amour de vous. Je vous aime 100 fois mieux que Hamlet. » « Partant de ce principe qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. »« Peut-être, je n'en sais rien. Je n'analyse pas mes sentiments. »« Je me contenterai de savoir que vous m'aimez, sans examiner trop curieusement les éléments dont se compose votre affection. Seulement, il n'est pas nécessaire que nous marchions comme des colimaçons. » « Eh bien, marchez à votre pas et je vous suivrai. » Ou bien arrêtez-vous et méditez comme Hamlet auquel vous vous comparez, si je vais trop vite. Merci, mais comme ma mère n'a pas tué mon père et épousé ensuite mon oncle, je ne saurais sur quoi méditer, à moins que ce ne fût sur les chances que nous avons d'avoir un bon ou un mauvais dîner. Qu'en pensez-vous? J'ai très bon espoir. Elle passait autrefois notre Wellstone pour une fameuse cuisinière. Oui, mais avez-vous tenu compte des préoccupations de la fenaison? Marguerite comprenait la bonté de Mr. Bell, qui essayait de la distraire en causant gaiement, pour l'empêcher de songer au passé avec trop d'amertume. Mais elle eût préféré cependant parcourir en silence ces allées si chères, si même elle n'était pas assez ingrate pour regretter de n'être pas seule. Ils atteignirent enfin la chaumière qu'habitait la mère de Suzanne. Suzanne n'y était pas, elle était à l'école de la paroisse. Marguerite fut désappointée. La pauvre femme s'en aperçut et se mit à s'excuser. « Oh, c'est très bien, au contraire, » dit Marguerite. « Je suis bien aise qu'il en soit ainsi. J'aurais dû le deviner. Seulement, elle avait coutume de rentrer ici avec vous. »« Oui, c'est vrai. Et elle me manque bien. » Je lui enseignai le soir le peu que je savais. Ce n'était pas grand-chose, à la vérité. Mais elle était devenue si serviable qu'elle me fait bien faute. Elle est bien plus savante que moi, maintenant. » Et la pauvre veuve soupira. « Je suis sans doute bien arriéré, » grommela Mr. Bell. Mais il me semble que l'enfant recevait une éducation plus simple et plus naturelle en restant à la maison, en aidant sa mère et en lisant chaque soir un chapitre du Nouveau Testament près d'elle, qu'en allant à une école si savante qu'elle puisse être. Marguerite ne voulut pas engager son compagnon à continuer en lui répondant et prolonger ainsi cette discussion devant la mère. Elle demanda donc à celle-ci: « Comment va la vieille Betty Barnes ?»« Je n'en sais rien, » dit la femme d'un ton bref. « Nous ne sommes pas amis. »« Pourquoi donc ?» demanda Marguerite, qui autrefois rétablissait toujours la paix entre les gens du village. « Elle m'a volé mon chat. » »« Savait-elle que c'était le vôtre ?»« Je n'en sais rien, je pense que non. »« Eh bien, est-ce qu'elle a refusé de vous le rendre lorsqu'elle a su que c'était à vous ?»« Elle l'avait brûlé. »« Brûlé ?» s'écrièrent à la fois Marguerite et Mr. Bell. « Rôti !» expliqua la femme. Mais ce n'était pas là une explication. À force de la questionner, Marguerite parvint à tirer d'elle ce fait horrible que Betty Barnes s'était laissée entraîner à prêter à une bohémienne, diseuse de bonne aventure, les habits de dimanche de son mari, sur la promesse que lui avait faite celle-ci de les lui rendre le samedi soir, avant que Goodman Barnes se fût aperçu de rien. Mais ne les voyant pas revenir et craignant la colère de son mari, elle avait eu recours à un moyen que lui suggérait une grossière superstition répandue dans le pays. On croyait généralement à Hellstone que les cris d'un chat bouilli ou rôti tout vivant contraignaient les esprits infernaux à céder au désir de celui qui avait recours à cette sorte de charme. Il était du reste évident que la mère de Suzanne ne doutait pas de son efficacité. Ce qui l'indignait, c'était seulement que son chat eût été choisi entre tous pour le sacrifice. Marguerite écoutait ce récit avec horreur. Elle s'efforça en vain d'éclairer l'esprit de la pauvre femme. Elle fut obligée d'y renoncer en désespoir de cause. Point par point, elle amenait bien la femme à admettre certains faits dont l'enchaînement logique était parfaitement clair pour elle, Marguerite. Mais en fin de compte, la pauvre femme en revenait toujours à sa première assertion, à savoir que certainement c'était très cruel et qu'elle n'aimerait pas à le faire, mais qu'il n'y avait rien de pareil pour faire avoir aux gens ce qu'ils désiraient. Elle l'avait entendu dire toute sa vie, mais néanmoins c'était extrêmement cruel. Marguerite vit qu'il fallait renoncer à la ramener à la raison et la quitta sous une impression de dégoût et de tristesse. « Vous êtes une bonne fille de ne pas triompher de moi, » dit Mr. Bell. « Comment cela? Que voulez-vous dire ?»« Je conviens que j'ai tort au sujet de l'école. Tout vaut mieux que de voir élever cet enfant dans un paganisme pratique. »« Oh, je me rappelle, pauvre petite Suzanne. Il faut que j'aille la voir. Vous serait-il désagréable de passer à l'école ?»« Pas du tout. Je suis curieux de voir ce qu'on lui enseigne. » Ils ne causèrent pas davantage. Ils se frayèrent un chemin à travers une vallée boisée, mais la douce influence de la verdure ne parvint pas à chasser l'impression pénible qu'avait causé à Marguerite le récit de cette odieuse cruauté. Récit fait d'une manière qui laissait voir un manque complet de pitié pour les souffrances du pauvre animal. Le murmure des voix, semblable au bourdonnement d'une ruche d'abeilles humaines, se fit entendre à eux dès qu'ils sortirent de la forêt pour entrer sur la pelouse du village sur laquelle donnait l'école. La porte était toute grande ouverte, et ils entrèrent. Une dame vive et alerte, vêtue de noir, qui allait, venait et semblait être partout à la fois, les aperçut et vint à leur rencontre avec quelque chose de cet air de maîtresse de maison que Marguerite se rappelait avoir vu prendre à sa mère, bien qu'avec moins de vivacité, lorsque quelques rares promeneurs entraient visiter l'école. Elle devina sur le champ que c'était là la femme du vicaire actuel, la personne qui avait succédé à sa mère, et elle eût volontiers évité l'entrevue si c'eût été possible. Mais elle domina aussitôt cette impression et s'avança avec modestie, rencontrant bien des regards ravis de la reconnaître et entendant murmurer autour d'elle « C'est Miss Hale ». La femme du vicaire entendit le nom, et ses manières devinrent aussitôt plus affectueuses. Mais en même temps, Marguerite ne put s'empêcher de remarquer qu'elle se montrait plus protectrice. La dame tendit la main à Mr. Bell en disant « Votre père, à ce que je présume, Miss Hale, cela se devine à la ressemblance. Je suis enchanté de vous voir, monsieur. Et le vicaire en sera fort aise aussi. » Marguerite expliqua péniblement que Mr. Bell n'était pas son père et que celui-ci était mort, tandis qu'elle se demanda intérieurement comment Mr. Hale eût jamais pu supporter de revoir Helstone, si les choses avaient été telles que le pensait la femme du vicaire. Elle n'entendit pas ce qu'il plut à celle-ci d'ajouter, et laissant à Mr. Bell le soin de lui répondre, elle chercha du regard ses anciennes connaissances. « Oh, je vois que vous seriez bien aise d'examiner une classe, Miss Hale. Je comprends cela par moi-même. Que la première classe se lève pour une leçon d'analyse avec Miss Hale. » La pauvre Marguerite, dont la visite était toute sentimentale et qui n'avait guère l'intention de rien inspecter, se sentit comme prise au piège. Mais enfin cela la mettait en contact avec ces jeunes visages curieux et éveillés qui lui avaient été autrefois si familiers, qui avaient reçu le baptême des mains de son père. Elle s'assit donc, regardant avec intérêt les changements que ces trois années avaient produits chez les jeunes filles, et tenant pendant une ou deux minutes la main de Suzanne, tandis que les élèves de la première classe cherchaient leurs livres et que la femme du vicaire, tout près de saisir Mr. Bell par le bouton de son habit, expliquait à celui-ci le système phonétique et lui racontait la conversation qu'elle avait eue à ce sujet avec l'inspecteur. Marguerite, penchée sur son livre sans voir autre chose et entendant autour d'elle le bourdonnement des enfants, fut vivement assaillie par les souvenirs de l'ancien temps et ses yeux se remplissaient de larmes lorsque tout à coup une des jeunes filles hésita sur le mot en apparence très simple « un ». Incertaine sur le nom qu'elle devait lui donner. « Un article indéfini, » dit doucement Marguerite. « « Je vous demande pardon, » dit la femme du vicaire, qui était tout yeux et tout oreille. « Mais M. Melsom nous enseigne à appeler un... Qu'est-ce qui s'en souvient ?»« Un adjectif absolu, » dirent sur le champ une demi-douzaine de voix. Et Marguerite demeura confuse. Les enfants en savaient plus long qu'elle. Mr. Bell se détourna et se prit à rire. Marguerite ne se risqua plus à parler de tout le reste de la leçon. Mais lorsqu'elle fut finie, elle alla tranquillement près de quelques-unes de ses favorites et causa un peu avec elles. D'enfant, elle devenait jeune fille, s'effaçant de son souvenir dans leur rapide développement, de même qu'elle disparaissait du leur par sa longue absence. Elle était néanmoins satisfaite de les avoir vues toutes encore une fois, bien qu'une nuance de tristesse se mêlât à ce plaisir. Lorsque la visite à l'école fut terminée, l'après-midi n'était pas encore écoulé, et Mrs. Hepworth proposa à Marguerite et à Mr. Bell de l'accompagner au presbytère pour voir les... Elle avait été sur le point de dire les améliorations, mais elle y substitua le mot de « changement » que le vicaire y faisait. Marguerite, on le croira sans peine, était peu soucieuse de voir les changements en question qui blessaient le souvenir qu'elle avait gardé de la maison, mais il lui tardait de revoir le vieux presbytère, bien qu'elle frémît d'avance de la douleur qu'elle savait devoir y éprouver. Le presbytère était si changé, tant au-dedans qu'au dehors, que sa douleur fut moins grande qu'elle ne s'y était attendue. On eût dit que ce n'était plus le même endroit. Le jardin, la pelouse, autrefois si soigneusement entretenue que même une feuille tombée eût semblé une tache, était semée de jouets d'enfants. Ici, c'était un sac de billes, là, un cerceau. Un chapeau de paille était accroché à un rosier comme un porte-manteau et faisait fléchir sous son poids une longue branche chargée de fleurs qui, au temps de Mrs. Hale, eût été relevée et attachée avec un soin presque tendre. Le petit vestibule carré était également plein d'objets appartenant aux enfants. « Ah, » dit Mrs. Hepworth, « je vous prie d'excuser ce désordre, Miss Hale. Lorsque la nurserie sera finie, j'exigerai plus d'arrangements. Nous faisons bâtir une nurserie à côté de votre chambre, je crois. Comment faisiez-vous, Miss Hale, pour vous passer de nurserie ?»« Nous n'étions que deux, » dit Marguerite. « Vous avez plusieurs enfants, je suppose. »« Nous en avons sept. Regardez. Nous faisons percer une fenêtre du côté de la rue. » Mr. Hepworth dépense un argent fou dans cette maison. Mais réellement, elle était à peine habitable lorsque nous sommes venus. Pour une famille aussi considérable que la nôtre, je veux dire, bien entendu. Toutes les chambres de la maison étaient changées, outre celle dont parlait Mrs. Hepworth, qui était autrefois le cabinet de Mr. Hale, et dont le jour adouci par la verdure et la tranquillité délicieuse non seulement avait fait contracter à celui-ci, comme il le disait, l'habitude de la méditation, mais encore avait peut-être contribué en quelque chose à la formation d'un caractère plus propre à la pensée qu'à l'action. La nouvelle fenêtre donnait sur la route et avait plusieurs avantages, ainsi que le fit remarquer Mrs. Hepworth. De là, on pouvait apercevoir les brebis égarées du troupeau de son mari qui rôdaient du côté du cabaret, espérant n'être pas vus, tandis qu'ils étaient au contraire attentivement surveillés. Car l'alerte vicaire avait l'œil sur la route, même pendant la composition de ses sermons les plus orthodoxes, et gardait près de lui un chapeau et un bâton qu'il saisissait pour courir après ses paroissiens. Et bien agile fallait-il qu'ils fussent pour réussir à se réfugier au guet bûcheron, avant que le teetotal vicaire les eût atteints et arrêtés. Toute la famille était vive, décidée, parlant haut, d'un bon cœur, et peu tourmentée par un excès de délicatesse dans la manière de sentir. Marguerite craignait que Mrs. Hepworth ne s'aperçût que Mr. Bell se raillait d'elle dans l'admiration qu'il se plaisait à exprimer pour toutes les choses qui choquaient le plus son goût. Mais non, elle le prenait au mot avec tant de bonne foi que Marguerite ne put s'empêcher de faire des reproches à celui-ci lorsqu'ils eurent quitté le presbytère. « Ne me grondez pas, Marguerite, c'est vous qui en êtes cause. » Si elle ne vous avait pas montré tous les changements avec une satisfaction aussi évidente de la supériorité d'intelligence qu'il leur avait fait imaginer, je ne me serais pas conduit ainsi. Mais si vous voulez absolument prêcher, gardez-moi cela après pour le dîner, parce que cela m'aidera à m'endormir et faciliter ma digestion. » Ils étaient tous deux fatigués, et Marguerite l'était à tel point qu'elle renonça à sortir de nouveau comme elle se l'était d'abord proposé. Et de façon ou d'autre, Cette visite à Hailstone ne ressemblait pas tout à fait à l'idée qu'elle s'en était faite. Il y avait partout des changements, légers à la vérité, mais pénétrant tout. Les familles étaient changées par l'absence, la mort ou le mariage, ou seulement par le cours naturel des jours, des mois, des années, qui nous emporte insensiblement de l'enfance vers la jeunesse, et de la jeunesse vers l'âge viril, puis vers la vieillesse, d'où nous tombons, comme un fruit mûr, dans le sein paisible de la terre, notre nourrice. Les lieux aussi étaient changés. Ici, un arbre avait été abattu, là, un buisson. Un long rayon de lumière pénétrait où régnait autrefois l'obscurité. Une route avait été dessinée, empierrée, et le chemin couvert de gazon qui serpentait à côté d'elle était maintenant enclos et cultivé. C'était là sans doute une véritable amélioration. Mais Marguerite soupirait en regrettant l'aspect pittoresque, l'ombre et le chemin vert auquel elle avait été accoutumée. Assise près de la fenêtre, elle contemplait le progrès des ombres de la nuit. Ce spectacle était en harmonie avec ses pensées mélancoliques. Mr. Bell dormait profondément, car il s'était livré pendant la journée à un exercice inaccoutumé. Il ne se réveilla que lorsque le thé fut apporté par une jeune paysanne, dont les joues rougies par la chaleur indiquaient qu'elle avait varié ses occupations habituelles en travaillant à rentrer les foins. « Oh là ! Qu'est-ce ? Où sommes-nous ? Qu'est-ce là, Marguerite ?» Ah oui, je me rappelle maintenant. Je ne pouvais m'imaginer quelle était cette femme assise là, dans une attitude si désolée, les mains croisées sur ses genoux, et regardant si fixement devant elle. « Qu'est-ce que vous regardiez donc ainsi ?» dit Mr. Bell, s'approchant de la fenêtre et se mettant derrière Marguerite. « Rien !» dit celle-ci en se levant sur le champ et d'un ton aussi gai qu'il lui fut possible. « Rien, en vérité, de bien intéressant. » Des arbres sombres dans le lointain, du linge étendu sur la haie et un courant d'air humide. Allons, fermez la fenêtre et venez prendre le thé. Marguerite garda quelque temps le silence. Elle jouait avec sa cuillère et ne semblait prêter qu'une attention très médiocre à ce que lui disait Mr. Bell. Il la contredisait. Il souriait comme s'il eût exprimé un avis semblable au sien. Puis elle soupira et, pesant sa cuillère, elle se mit à dire à propos de rien. Et de cette voix élevée qui annonce que celui qui parle réfléchit depuis quelque temps déjà au sujet qu'il introduit. « Monsieur Bell, vous vous rappelez ce que nous disions de Frédéric hier soir, n'est-ce pas ?»« Hier soir ? Où étais-je ? » ?»« Oh, je me souviens. Il me semble qu'il y a 8 jours de cela. »« Oui, certainement. Je me rappelle que nous avons parlé de lui, pauvre garçon. » »« Oui. Et vous vous souvenez que Mr. Lennox a dit qu'il était venu en Angleterre à l'époque de la mort de ma pauvre maman ?» demanda Marguerite en baissant la voix. « Je me le rappelle. Je n'en avais rien su jusque-là. Et moi, je croyais. J'avais toujours cru que papa vous l'avait dit. » « Non, jamais. Mais pourquoi ces questions, Marguerite ?»« Je voudrais vous dire quelque chose de très mal que j'ai fait à cette époque, » dit Marguerite, fixant sur Mr. Bell son regard franc et honnête. « J'ai fait un mensonge. » Et son visage devint écarlate. « Je conviens que cela est mal. Ce n'est pas que je n'en ai fait un assez bon nombre en ma vie, non pas en paroles positives, comme je suppose que vous avez fait, mais en actions, ou par de misérables circonlocutions qui amenaient les gens à ne pas croire ce qui était vrai, ou à tenir pour vrai une chose fausse. Vous savez qui est le père du mensonge, Marguerite ? Eh bien, beaucoup de gens qui se croient très vertueux ne laissent pas de côtoyer le mensonge de toutes sortes de façons. Le venin de la fausseté corrompt notre sang à tous. J'aurais cru que vous en étiez aussi exempte que qui que ce soit. Quoi ? Vous pleurez, mon enfant. N'en parlons plus si cela vous affecte ainsi. Je suis sûr que vous en avez été fâché et que vous ne recommencerez plus, et il y a longtemps que c'est passé. Et enfin, je veux que vous soyez gaie et contente ce soir. Je vous en prie, Monsieur Bell, laissez-moi vous dire ce qui est. Vous pourrez peut-être me venir en aide. « Non, mais si vous saviez la vérité, peut-être pourriez-vous réparer. »« Non, ce n'est pas encore cela que je veux dire, » s'écria-t-elle, impatientée de ne pouvoir s'exprimer aussi exactement qu'elle le désirait. Mr. Bell changea complètement de ton. « Dites-moi tout, mon enfant. » »« C'est une longue histoire. » »« Mais lorsque Frédéric vint, maman était bien malade et j'étais accablé d'inquiétude, et en même temps poursuivi par la crainte d'avoir attiré mon frère dans le danger. » Nous eûmes une alerte immédiatement après la mort de maman, car Dixon rencontra quelqu'un à Milton. C'était un homme nommé Léonard, qui avait connu Frédéric et qui semblait lui en vouloir, ou du moins être tenté par le souvenir de la récompense promise à celui qui le livrerait. Et sous le coup de cette frayeur, je crus devoir presser Frédéric de partir pour Londres, où, comme vous avez pu le comprendre l'autre soir, il devait aller pour consulter Mr. Lennox sur les chances qu'il aurait dû d'être acquitté s'il subissait un jugement. Lui et moi, nous allâmes donc ensemble au chemin de fer. C'était le soir, et le jour commençait à tomber, mais il faisait encore assez clair pour reconnaître les gens et en être reconnu. Nous arrivâmes trop tôt, et nous allâmes nous promener dans un champ voisin. J'avais toujours une peur affreuse de ce Léonard, que je savais dans le voisinage, et alors que nous étions dans le champ, les rayons du soleil qui se couchaient me donnant dans les yeux, un homme passa à cheval sur la route, tout juste au-dessous de la barrière du champ sur laquelle nous étions appuyés. Je vis bien qu'il me regardait, quoique je ne le reconnusse pas d'abord à cause du soleil, mais au bout d'un instant je vis que c'était Mr. Thornton, et nous le saluâmes. Et naturellement il vit Frédéric, dit Mr. Bell, essayant de l'aider dans son histoire. Oui. Et à la station, un homme vint à nous. Il était ivre et trébuchait à chaque pas. Il voulut prendre Frédéric au collet et mon frère, en se défendant, le jeta en bas de la plateforme. Ce n'était pas une grande chute. Il n'y avait pas plus de 3 pieds de haut. Oh, Monsieur Bell, je ne sais comment cela se fit, mais cette chute le tua. Quel malheureux hasard. C'était ce Léonard, je suppose. Et comment Frédéric s'en tira-t-il? Il partit immédiatement après cette chute. Il ne croyait pas qu'elle eût pu occasionner aucun mal sérieux à ce pauvre garçon. Cela semblait si peu de chose. Il ne mourut donc pas sur le coup? Non, il ne mourut que 2 ou 3 jours après. Et alors, Monsieur Bell, c'est alors que je commis une grande faute. Un inspecteur de la police vint et déclara que j'accompagnais le jeune homme qui, en frappant ou en poussant Léonard, avait causé sa mort. Cette accusation était fausse, comme vous voyez. Mais nous ne savions pas encore si Frédéric était embarqué. Il pouvait être encore à Londres, et si on l'arrêtait sous ce prétexte, et que son identité fût reconnue, il était fusillé. Tout ceci me traversa l'esprit en une seconde. Je répondis que ce n'était pas moi, que je n'avais pas été au chemin de fer ce soir-là, et que je ne savais pas ce qu'on voulait dire. Je n'avais qu'une pensée, celle de sauver Frédéric. Je dis, moi, que vous avez bien agi. J'aurais fait de même à votre place. Vous vous êtes oublié pour ne songer qu'à un autre. J'espère, du moins, que j'aurais fait de même. Non, vous ne l'auriez pas fait. C'était mal, c'était manqué de foi. Et pendant ce temps-là, Fred était en sûreté hors d'Angleterre. Et dans mon inquiétude et mon aveuglement, j'avais oublié qu'il y avait un témoin qui pouvait certifier l'avoir vu au chemin de fer. Qui donc? Mr. Thornton. Vous savez que je l'avais rencontré près de la station. Nous nous étions salués. Eh bien, il n'aura rien su de cette enquête, sans doute, car je suppose qu'elle n'a pas eu de suite. Non. Le procès dont ils avaient parlé à propos de l'enquête n'eut pas lieu. Mr. Thornton eut connaissance de tout. Il est magistrat. Et il découvrit que ce n'était pas la chute qui avait occasionné la mort de Léonard. Mais auparavant, il avait su ce que j'avais répondu. Oh, Monsieur Bell! Il se couvrit soudain le visage de ses mains comme pour cacher sa honte. N'avez-vous eu aucune explication avec lui? Ne lui avez-vous pas dit le motif instinctif et tout-puissant qui vous avait fait agir? Que j'avais instinctivement manqué de foi, et que je m'étais appuyé sur le péché pour ne pas tomber? Dit-elle avec amertume. Non, comment l'aurais-je pu? Il ne connaissait pas même l'existence de Frédéric. Devais-je, pour regagner sa bonne opinion, lui révéler nos secrets de famille, et nuire peut-être ainsi aux chances qui restaient à mon frère de se justifier. Les dernières paroles de Frédéric avaient été une recommandation de secret. Vous voyez que papa ne nous avait même rien dit. Non, je préférais endurer la honte, et je l'endurais. Mr. Thornton ne m'a jamais estimé depuis ce temps-là. Il vous estime, j'en suis sûr, dit Mr. Bell. Il est vrai que cela m'explique un peu... Mais il parle toujours de vous avec respect et considération, bien que maintenant je comprenne certaines réserves dans ses paroles. Marguerite ne répondit rien. Elle cessa de faire attention à ce que disait Mr. Bell, et perdit quelque temps jusqu'au sentiment de sa présence. Plus tard, elle lui dit « Voudriez-vous avoir la bonté de me dire ce que vous entendez par ses réserves dans sa manière de parler de moi ?»« Oh, simplement qu'il m'a impatienté en ne se joignant pas aux louanges que je faisais de vous. En vieux fou que je suis, je croyais que tout le monde devait penser comme moi. Et il était évident qu'il ne le faisait pas. Cela m'avait intrigué dans le moment. Mais si cette affaire n'a jamais été expliquée, il a dû certainement être fort étonné. D'abord, il vous a vu vous promenant le soir avec un jeune homme. Mais c'était mon frère, dit Marguerite, surprise. C'est vrai, mais comment pouvait-il le savoir? Je n'ai jamais songé à rien de la sorte, dit Marguerite rougissant et d'un air blessé. Et peut-être lui non plus n'y aurait jamais pensé, sans le mensonge qui, dans cette circonstance, était d'ailleurs nécessaire, je maintiens mon dire. Non, il ne l'était pas, je le sais maintenant, je m'en repens amèrement. Il y eut un long silence. Marguerite le rompit la première. « Il n'est pas probable, dit-elle, que je revoie jamais Mr. Thornton. » Et elle s'arrêta. « Il y a beaucoup de choses plus improbables, à ce qu'il me semble, » répliqua Mr. Bell. « Non, je ne crois pas que je le revoie jamais. Cependant, on n'aime pas à déchoir dans l'opinion d'un ami, comme j'ai fait dans la sienne. » Les yeux de Marguerite étaient pleins de larmes, mais sa voix était ferme et Mr. Bell ne la regardait pas. Et maintenant que Frédéric a perdu tout espoir et presque tout désir de se réhabiliter et de rentrer en Angleterre, il sera juste que tout cela fût expliqué. Si vous le voulez et si vous le pouvez, si l'occasion s'en présente naturellement, voudrez-vous bien lui tout dire et ajouter que je vous ai permis de le faire parce que, ne fût-ce qu'en souvenir de mon père, je n'aimerais pas perdre son estime, bien qu'il soit probable que nous ne nous reverrons jamais. Certainement. Il faut qu'il sache tout. Je n'aimerais pas qu'on vous crût capable de l'ombre même d'une inconvenance. Il ne doit savoir que penser de vous avoir rencontré ainsi seul avec un jeune homme. Quant à cela, dit Marguerite avec un peu de hauteur, on n'y soit qui mal y pense. Ce n'est pas pour me justifier d'une inconvenance que je désire que tout lui soit expliqué. Si je croyais qu'il m'en eût soupçonné... Non, je veux seulement qu'il sache comment j'étais tenté, comment je suis tombé dans le piège, en un mot, pourquoi j'ai fait ce mensonge. Dont je suis loin de vous blâmer, et cela sans aucune partialité d'affection, je vous l'assure. Ce que pensent les autres n'est rien auprès de mon sentiment profond, de ma conviction absolue d'avoir péché. Mais ne parlons plus de cela. C'est fini, le péché est commis. Il ne me reste qu'à le rejeter derrière moi et à ne plus jamais manquer de foi. Très bien. S'il vous plaît d'avoir des remords et de vous désoler, faites-en tout à votre aise. Je garde toujours ma conscience enfermée comme un godenot, car lorsqu'elle sort de sa boîte, elle me surprend par ses dimensions exagérées. Je l'engage donc tout doucement à y rentrer, comme le pêcheur faisait pour le génie. Il est merveilleux, lui dis-je, que vous soyez demeuré si longtemps enfermé et dans un si petit espace que je me doutais à peine de votre existence. S'il vous plaît, madame, au lieu de grossir à chaque instant et de me confondre par la vue de vos contours incertains, voulez-vous bien être assez bonne pour vous réduire à vos premières proportions ? Et une fois que je la tiens de nouveau enfermée, je me dépêche de sceller la boîte, et ce n'est qu'à bon escient que je l'ouvre de nouveau et que je contreviens au principe de Salomon, le plus sage des hommes, qui renfermait ainsi la sienne. Mais Marguerite n'était pas disposée à rire. Elle faisait à peine attention à ce que disait Mr. Bell. Toutes ses pensées étaient concentrées sur cette idée qu'elle avait eue déjà auparavant, mais qui devenait maintenant une certitude, à savoir qu'elle avait perdu l'estime de Mr. Thornton. Il lui semblait qu'aucune explication ne pourrait jamais lui rendre, non pas son amour, car elle y avait renoncé pour toujours, mais ce respect et cette estime qu'elle avait espéré qu'il conserverait pour elle. En vain essayait-elle de se consoler en se disant que l'opinion qu'il avait d'elle ne changerait rien à ce qu'elle était réellement. Mais cette pensée cédait bien vite à sa douleur. Elle avait sur le bout de la langue 20 questions qu'elle eût voulu adresser à Mr. Bell, mais elle n'osa lui en faire une seule. Celui-ci pensa qu'elle était fatiguée, et il la renvoya de bonne heure dans sa chambre. Elle y resta longtemps assise près de la fenêtre ouverte, les yeux fixés sur le ciel où elle voyait apparaître et briller les étoiles. Elle aperçut aussi une petite lumière sur la terre. C'était une chandelle qui brûlait dans son ancienne chambre, devenue la nurserie des enfants du presbytère. Un sentiment de perpétuel changement, de néant individuel, de perplexité et de désappointement accablait Marguerite. Elle n'avait rien retrouvé absolument de même qu'autrefois, et cette instabilité légère, mais s'attaquant à tout, lui avait causé plus de peine que n'eût fait un changement radical. « Je commence à comprendre, se disait-elle, ce que doit être le ciel. Oh, que de paix et de grandeur dans ses paroles. Le même hier, aujourd'hui et toujours, l'éternel. Je suis si lasse, si fatiguée d'être ainsi emportée à travers toutes les phases de ma vie, dans lesquelles rien ne demeure autour de moi, ni les êtres, ni les lieux. C'est comme le cercle dans lequel tourbillonnaient perpétuellement les victimes des passions terrestres. Je crois que je suis dans cette disposition où les femmes d'une autre religion prennent le voile. Je cherche l'immuabilité du ciel dans la monotonie de la terre. Si j'étais catholique et que je pusse rendre mon cœur insensible par quelques grands coups, je me ferais peut-être religieuse. Mais je soupirerais après mes semblables. Non, pas après mes semblables, car je ne les aimerais jamais, à l'exclusion de toute affection pour les individus. Peut-être doit-il en être ainsi. Peut-être que non, mais je ne puis décider la question ce soir. » Et elle s'alla coucher, triste et fatiguée, pour se lever le lendemain toujours fatiguée. Mais avec le matin était revenue l'espérance et des idées moins sombres. « Après tout, il faut qu'il en soit ainsi, » se dit-elle en entendant les voix des enfants en récréation pendant qu'elle s'habillait. « Si le monde était immobile, il se corromprait. En dehors de mes sentiments et de ma tristesse, le progrès de tout ce qui m'entoure est heureux et nécessaire. Je ne dois pas tant penser à la manière dont les choses m'affectent qu'à l'effet qu'elles produisent sur les autres, si je veux en juger sainement et conserver l'espoir et la confiance en Dieu. » Et elle descendit saluer Mr. Bell, le sourire sur les lèvres. « Ah, miss, lui dit-il, vous avez veillé hier soir et ce matin vous voilà en retard. J'ai une nouvelle à vous apprendre. Que pensez-vous d'une invitation à dîner, d'une visite faite littéralement à travers la rosée matinale? J'ai déjà reçu le vicaire qui est entré ici en se rendant à l'école. Je ne saurais dire au juste pour combien le désir de faire à notre hôtesse un sermon de tempérance au sujet des faneurs est entré dans sa politesse. Mais enfin, je l'ai trouvé ici lorsque je suis descendu, un peu avant 9 heures, et il nous a invités à dîner pour aujourd'hui. Mais, Edith, m'attend, je ne puis y aller, dit Marguerite, heureuse d'avoir une si bonne raison de s'excuser. « Oui, je sais cela et je le lui ai dit. Je me doutais que vous ne vous soucieriez pas d'y aller. Je vous en ai cependant réservé la possibilité, dans le cas où cela vous plairait. Oh non, soyons fidèles à notre plan, partons à midi. C'est sans doute très bon et très aimable à eux, mais je ne pourrais me décider à y aller. Très bien, ne vous en tourmentez pas, j'arrangerai cela. » Avant de sortir, Marguerite se glissa le long du jardin du presbytère et cueillit une petite branche de chèvrefeuille qui pendait en dehors du mur. Elle n'avait pas voulu la veille prendre une fleur dans le jardin, de crainte qu'on ne la remarquât, et que ses sentiments ne devinssent l'objet des commentaires du vicaire et de sa femme. Mais lorsqu'elle traversa le pré commun pour revenir à l'auberge, Helstone lui sembla de nouveau revêtu des anciens enchantements. Les bruits habituels de la vie étaient plus harmonieux que partout ailleurs, la lumière plus dorée, l'air plus transparent, la vie plus tranquille et plus remplie, les rêveries plus douces. Et Marguerite, se rappelant les sentiments de la veille, se disait à elle-même « Et moi aussi je change perpétuellement, tantôt ceci, tantôt cela, tantôt chagriné et désappointé, parce que tout n'est pas exactement comme je m'y attendais, et maintenant, découvrant soudain que la réalité est plus belle 100 fois que ce que j'avais imaginé. Oh, Helstone, aucun endroit ne me sera jamais si cher que toi. » Quelques jours plus tard, elle décida qu'elle était très contente d'y avoir été et de l'avoir revue, que ce serait toujours pour elle le plus beau lieu du monde, mais que ce pays était si plein de souvenirs des anciens temps, et surtout de son père et de sa mère, que si le voyage était à refaire, elle n'aurait peut-être pas le courage de l'entreprendre une seconde fois.